Il est plus de minuit. La lune est levée depuis longtemps, mais reste cachée derrière les nuages. La forêt sombre est un peu inquiétante. Sans un mot, les deux garçons marchent sur la petite route étroite et pleine de virages. « Hé, fais attention, une voiture !» s'écrie tout à coup Sébastien. Instinctivement, il tire Julien vers le bord de la route bordée de buissons. Quelques secondes plus tard, une camionnette noire les dépasse. Le conducteur roule très vite. « Oh là là, c'était juste !» s'exclame Sébastien. Il roule comme un fou. Et sans lumière en plus. Il a certainement quelque chose à cacher. Un peu effrayé, il regarde dans la direction où la voiture mystérieuse a disparu. Soudain, une portière claque. Et à nouveau, le silence règne. Au loin, on entend seulement l'aboiement d'un chien. « Viens, partons vite !» chuchote Julien. « S'il nous a vus !»« Ne raconte pas de bêtises. Avec nos vêtements noirs, on ne peut pas nous voir. »« Je ne sais pas. Peut-être que c'est un criminel dangereux. Ou même un meurtrier. » « Oh, oh, c'est bien excitant tout ça !» répond Sébastien. « Que, quoi ?» bégaye Julien. « Allez, viens, poule mouillée !» Lentement et prudemment, Julien suit son ami. Il a les jambes qui tremblent. À la sortie du prochain virage, là où il n'y a que des buissons et où la forêt commence, il découvre la camionnette garée. Les deux amis retiennent leur souffle. En effet, une forme sombre et puissante en tire un sac en plastique noir bosselé. Il a l'air lourd, ce sac. L'homme en noir a du mal à le sortir de la camionnette. Tout à coup, il s'arrête et le sac tombe lourdement par terre. Mince alors ! Grogne une voix rauque. C'était quoi ce bruit ? Balbutie Julien. Les deux garçons ont bien des difficultés à voir la scène de loin dans la nuit noire. Très pressé, l'homme cherche quelque chose dans la poche de son pantalon. Puis il prend le sac, le traîne derrière lui et disparaît dans la forêt. Comme paralysés, Sébastien et Julien ne bougent plus. Le temps passe très lentement. Les minutes semblent devenir des heures. Là, n'entend-on pas un léger craquement? Une silhouette sombre court à pas lourds vers la voiture qui démarre très vite et disparaît aussi mystérieusement qu'elle est venue. Ce qu'il a porté dans la forêt, ce n'était pas... L'idée les fait frissonner. C'est exactement ce qu'on va tout de suite savoir, dit Sébastien. Tu es complètement cinglé, s'exclame Julien. Sans laisser à son copain le temps de réagir, Sébastien commence à courir. Était-il devenu complètement fou? Julien devait-il le suivre? Hésitant entre peur et curiosité, Julien prend son courage à deux mains et suit son ami. Qu'allait-il trouver?